إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر لشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى dit ensuite Le neuvième, c'est-à-dire le neuvième des annulatifs de l'islam, est que quiconque croit que certaines personnes peuvent sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'Al-Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam, celui-ci est alors mécréant. Ceci est donc le neuvième annulatif de l'islam mentionné par l'auteur rahimahullah ta'ala. Et c'est le fait de penser qu'il est permis à certains individus de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la législation de l'islam. C'est-à-dire, de penser qu'ils ne sont pas obligés de s'y soumettre et qu'ils ne sont pas obligés de la suivre, mais ils prétendent qu'ils peuvent délaisser les obligations et enfreindre les interdits sans aucune limite. Et cette croyance est celle de certains exagérateurs parmi les soufis. Ils pensent que ceux qu'ils appellent des saints, les walis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne prient pas, ils ne donnent pas l'aumône, ils ne jeûnent pas, car ils disent que les adorations, elles ne sont légiférées que pour les gens de la masse. Quant aux saints, alors ils disent qu'ils peuvent sortir de la législation et qu'ils n'ont pas besoin d'accomplir les adorations. Et en parallèle de cela, ils commettent toutes sortes d'interdits, de perversions et de turpitudes, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et leur prétendue preuve en cela est ce qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, concernant l'histoire d'Al-Khadir avec Moussa alayhi salam, que vous connaissez tous et que vous lisez chaque vendredi dans Surat Al-Kahf. Donc ils pensent qu'Al-Khadir était un saint, un wali, et qu'il n'était pas contraint de se soumettre à la législation de Moussa alayhi salam. De ce fait, ils en déduisent qu'il est permis à leur prétendu saint de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de transgresser à ses ordres, de commettre ses interdits et de ne pas suivre la religion de l'islam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. On va donc voir dans cette assise quelques points permettant de répondre à cette ambiguïté diabolique qui a fait sortir ces gens de l'islam à la mécréance. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de l'humanité, arabes et non-arabes, et même les djinns. Tous sont soumis à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent suivre la religion de l'islam. Et ceci fait partie des particularités de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est venu dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Les prophètes étaient envoyés spécifiquement à leur peuple et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux prophètes qui l'ont précédé, il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 28 de Surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala au verset 158, de Surat Al-A'raf, قُلْ, c'est-à-dire au Muhammad, dit, يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, quiconque parmi les juifs ou les chrétiens entend parler de moi, puis ne croit pas en ce avec quoi je suis venu, il entrera alors inévitablement en enfer. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Donc la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la législation de l'islam, elle est générale pour l'ensemble des djinns et des hommes. Alors que la législation des prophètes avant lui, comme Moussa alayhi salam, était particulière. La législation de Moussa alayhi salam, elle était particulière aux enfants d'Israël. Donc Al-Khadir, il n'était pas tenu de suivre la législation de Moussa alayhi salam, car il ne faisait pas partie de sa communauté. Il n'est donc pas possible de dire qu'Al-Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam, car il ne faisait même pas partie de sa communauté à la base. Deuxièmement, est-ce que les actes d'Al-Khadir étaient réellement contraires à la législation? Et ça, c'est une question importante. Car les soufis, ils se servent de ce récit pour justifier les transgressions et les turpitudes de ceux qu'ils appellent les walis. Mais si tu médites sur les trois faits qui ont été mentionnés dans Sourate Al-Kahf, l'histoire du bateau, l'histoire de l'enfant et l'histoire du mur, alors tu te rends compte qu'en réalité, ces actes, ils ne sont pas contraires à la législation. Mais ce sont des choses permises. Mais ce qui a causé la stupéfaction de Moussa alayhi salam, c'est qu'il n'avait pas connaissance des raisons pour lesquelles Al-Khadir faisait cela. Puis lorsqu'il l'a informé, alors Moussa alayhi salam, il l'a approuvé. Et il ne l'aura en aucun cas approuvé si ses actes étaient en contradiction avec la législation. Troisièmement, est-ce qu'Al-Khadir était un saint ou un prophète? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que c'était un saint. Ils ont donc dit que ce qu'il a accompli, cela fait partie des prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au wali. Et la majorité des soufis, ils ont soutenu cet avis afin de justifier leur croyance erronée, prétendant qu'il est permis au wali de faire des choses contraires à la législation, de délaisser les ordres et de commettre les interdits. L'autre avis est celui de la majorité des gens de science. Et c'est celui qui est prouvé par les textes clairs du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui démontre qu'Al-Khadir était bel et bien un prophète, alayhi salam. Et parmi ces textes, il y a le verset 65 de Surat Al-Kahf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de la rencontre de Moussa et d'Al-Khadir, alayhim as-salam, فَوَجَدَ عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ils trouvèrent alors un de nos serviteurs à qui nous avions donné une miséricorde de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. L'imam al-Shanqiti rahimahullah ta'ala a dit dans son tafsir, on comprend de ce verset que la miséricorde évoquée ici est la miséricorde de la prophétie et que cette science émanant d'Allah est la révélation, car la miséricorde est souvent employée dans le Coran pour désigner la prophétie. Et la science émanant d'Allah est souvent employée dans le Coran pour désigner la révélation. Également, au verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet d'Al-Khadir qu'il dit après avoir mentionné à Moussa les raisons de ses agissements. « وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي » Et je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. C'est-à-dire qu'il l'a fait sous l'ordre de qui? Sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne se réalise qu'à travers la révélation. Ceci nous prouve donc qu'Al-Khadir alayhi salam, c'était un prophète. Et ceci annule complètement l'ambiguïté diabolique des soufis. Il faut savoir que les soufis, ils se servent de ce récit pour prétendre que le wali, il peut savoir des choses qu'un prophète ne connaît pas. Comme Al-Khadir a su les causes pour lesquelles il a fait ses agissements, alors que Moussa alayhi salam, il n'en avait pas connaissance. Or, comme on vient de le voir, Al-Khadir alayhi salam, c'était un prophète. Il recevait donc la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, les soufis, ils prétendent que le wali, il prend sa religion directement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire parmi les hommes. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cet égarement évident. Et on a vu lors de notre étude des six fondements, lors de l'étude du cinquième fondement, on a vu la vérité à ce sujet et la différence entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés du diable. Vous pouvez donc revenir à ce cours pour plus de détails à ce sujet. Enfin, parmi les questions importantes liées à cet annulatif, il faut savoir quel est le jugement du fait de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est à noter que la sortie de la législation est de différentes sortes et le jugement varie en fonction de cela. Certaines sorties sont de la mécréance et d'autres sont de l'égarement en deçà de la mécréance. Donc celui qui sort complètement de la législation de l'islam, ou qui sort d'une chose de la législation, en considérant ce qu'il fait comme permis, illicite, alors celui-ci il mécroit et il sort de l'islam, wal'ayadu billah. Quant à celui qui ne rend pas licite cela, comme c'est le cas du pécheur, alors celui-ci il ne mécroit pas, mais il s'égare du droit chemin, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous réformer. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que quiconque prétend être avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'Al-Khadir avec Moussa alayhi wa sallam, et qu'il permet cela pour quelqu'un de la communauté, comme pour leur prétendu wali, alors il doit renouveler son islam et prononcer l'attestation de foi, car en prétendant cela, il est totalement sorti de l'islam. Alors que dire du fait qu'il prétend être un allié d'Allah, alors qu'en réalité, c'est un allié du diable, comme l'a dit l'imam Ibn Abi al-'Izz dans l'explication de la croyance At-Tahawiyya. Et parmi les choses qui entrent dans cet annulatif, il y a la parole de ceux qui appellent à la laïcité, qui appellent à la séparation entre les affaires religieuses et les affaires mondaines, en disant les adorations sont dans les mosquées, quant aux transactions, au jugement, à la politique, alors ceci ne fait pas partie de la religion. Ainsi, ils permettent de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces domaines cités, entrant ainsi dans cet annulatif et sortant de l'islam, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit savoir et avoir la ferme conviction que la religion, elle a réglementé toute chose et toute affaire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout clarifié dans son livre. Il ne nous incombe donc que de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, et ce en toute chose, et en toute affaire, et sur toute question sur laquelle nous divergeons. Ceci était donc quelques questions liées à cet narratif. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.